إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui donc on continue le dars sur l'explication de الدعوة السلفية et le chef on est arrivé à son point au point numéro 7 où il dit طريق الخلاص والنجاة وهو الاتباع وترك الاتباع la voie qui mène à un salut et à sauver, c'est de suivre la sunna et d'abandonner les innovations. Cheikh, il commence en disant, قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية وجماع الدين أصلا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع donc ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc, ça signifie les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah dans un de ses livres qui s'appelle Al-Ubudiyya. Il dit que ce qui réunit tout de la religion, ce sont les deux fondements suivants. Le premier, que nous devons adorer personne autre que Allah, rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est que lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit l'adorer que par ce qu'il a révélé dans sa révélation. C'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et après, le chef il mentionne et il dit, et nous ne l'adorons pas, par les innovations. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des innovations. Et il mentionne comme preuve de ça un des versets dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une bonne œuvre, amalan saliha, et qu'il n'associe rien dans son adoration, pour son Seigneur, autre que lui. Donc on doit adorer avec Allah personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il continue et il dit فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ صَالِحًا أي مُوَافِقًا لِلسُنَّةِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُخْلِصَهُ صَاحِبُهُ لِلَّهِ. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans ce verset que nos actions et que nos œuvres soient bonnes. Et la signification de salihan, l'amal salih, le chef il explique en disant, eh, muwafiqan lis sunnah. C'est-à-dire qu'ils doivent être en accord, ses actions doivent être en accord avec la sunnah. Et puis par la suite, il a ordonné qu'on purifie notre adoration et notre action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit être uniquement pour Allah et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il continue et il dit وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir, il dit dans son tafsir que voilà les deux fondements, les deux piliers de la, pour qu'une action soit acceptée. Et il faut absolument que cette action-là soit purifiée et qu'elle soit sincèrement faite uniquement pour Allah et qu'elle soit tawaban, hein, c'est-à-dire qu'elle doit être en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené comme sharia, comme règle, comme loi. Le chef continue, il dit « وَقَدْ رُوِيَ مِثْلَ هَذَا عَنِ الْقَاضِ عِيَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ » Ça, ça a été rapporté également par Al-Qadi Iyad, qui est un des ulama des salaf, et d'autres parmi les ulama. Et le chef il dit « وَمِمَّا تَقَدَّمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ أَيِّ عَمَلٍ نريد أن نتقرب به إلى الله من شرطين أساسيين ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر وهما إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le chef il explique, il dit, parmi ce qui vient de précéder, on comprend qu'il faut absolument, pour qu'une action soit acceptée, une action par laquelle on souhaite se rapprocher à Allah, et bien il faut absolument que cette action soit en accord avec les deux conditions fondamentales. Et ces deux conditions-là, il faut absolument qu'elles soient présentes ensemble. Et une d'entre elles ne peut pas être séparée de l'autre. D'accord? Et ces deux conditions-là, c'est la première, que notre acte soit uniquement et purifié dans sa sincérité, uniquement pour Allah dans l'adoration. Hein? Donc on ne doit pas adorer autre avec Allah et on ne doit pas non plus associer d'autres avec Allah dans notre adoration et on doit le faire uniquement pour Allah. Et deuxièmement, que cet acte soit fait uniquement en accord avec la sunna et qu'elle soit en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, on doit uniquement se baser sur l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette action, dans cette façon de se rapprocher à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le chef il continue et il dit, qu'Allah ta'ala فاعبد الله مخلصا له الدين. Et adore Allah. Ça, c'est un verset dans lequel Allah SWT dit, alors adore donc Allah SWT en lui vouant un culte exclusif. Adore, purifie ta religion pour Allah SWT. Et il dit dans un autre verset, il cite un autre verset dans lequel il dit, وقال تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. Ce verset dans lequel Allah SWT dit, et cherche dans ce que Allah SWT t'a donné, ou recherche par ce qu'Allah t'a donné, d'atteindre l'au-delà, et n'oublie pas ta portion de cette dunya. Et sois bon, comme Allah SWT a été bon envers toi. Par la suite, le cheikh il dit, وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربي أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Donc, on voit que par les versets que le chef est en train de mentionner et par le hadith qui vient de lire en arabe, il essaie de montrer les preuves du premier point, de la première condition. C'est-à-dire que l'action doit être purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il mentionne un hadith qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je n'ai aucun besoin d'avoir des associés. Alors celui qui fait un acte dans lequel il associe avec moi autre que moi, eh bien je n'accepterai pas cet acte de lui. Et cet acte sera pour la personne avec qui il m'a associé, ou pour la chose avec qui il m'a associé. Donc, Allah Ta'ala n'acceptera rien de cette action. Donc, la personne n'aura aucune récompense pour l'avoir fait. Le hadith qui est authentique là. Après, le chef dit qu'il ikhlas la ya'ti ma'a ash-shirk aw ar-riya' aw iradat al-insan bi'amalihi ad-dunya. ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله وجه الله سبحانه وتعالى وحده. Donc je te dis, lorsque la personne est sincère dans ses actes, alors il ne peut pas y avoir dans ses actions, ça signifie il dit, la sincérité ne vient pas avec le shirk, c'est-à-dire l'association, ou avec ar-riya, c'est-à-dire de faire des œuvres par ostentation, pour essayer de se montrer. Ou iradati l'insan bi'amalihi ad-dunya, ou du fait qu'il fait des œuvres religieuses, des actions ou des adorations religieuses, dans le but d'avoir un certain bien dans cette dunya, hein. Il dit, le cher, il faut absolument que ses actions soient faites dans l'intention d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cher, il continue et il explique, il dit, وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ. Et ça, c'est ce qui se rapporte à la première condition. أَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِ. En ce qui concerne la deuxième condition, فمعناه أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. Donc le chef il explique, il dit en ce qui concerne la deuxième condition, la signification de cette deuxième condition, c'est que notre action par laquelle on cherche à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala doit être en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans son livre, ainsi que dans la sunna ou par la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et le chef il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce verset-là, c'est une preuve de ce qu'il vient d'expliquer. Il dit, aujourd'hui j'ai complété, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc ce verset clarifie clairement et montre que la religion est complète. La religion a été complétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un par la suite, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient pour amener une nouvelle forme d'adoration, ou une nouvelle façon, ou une nouvelle acte pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette action ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si cette personne-là essaie d'insinuer ou de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bien transmis le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que la religion n'a pas été complétée. C'est pour ça que le chef il continue et il dit فَقَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ لَنَا الدِّينَ قَبْلَ أَنْ يَمْتَفِدَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا الرَّفِيقِ الْعَلَى فَلَيْسَ هُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى مَا يَزِيدُ وَيَنْقُصُ إلى من يزيد وينقص فيه وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الاتباع والإحداث في الدين. Donc le cheikh dit, Allah ta'ala a complété pour nous sa religion avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure. Alors nous n'avons aucun besoin d'une personne, qu'une personne vienne pour ajouter quoi que ce soit ou pour enlever quoi que ce soit. Car les textes clairs sont très nombreux du fait de l'ordre qui vient avec l'ordre de suivre et qui avertissent contre les innovations ou d'amener des inventions dans la religion. Et ça, c'est le principe fondamental de ce point qu'il explique aujourd'hui. C'est en fait que la base de cette compréhension du manhaj al-sunnah, c'est que la religion est basée sur le fait de suivre uniquement. C'est pas quelque chose qui doit être développé, qui a besoin d'être analysé, ou dans le sens que quelqu'un doit venir et commencer à amener des règles nouvelles et à expliquer des principes nouveaux qui n'ont pas jamais été déjà clarifiés, non. Tous les principes et tous les fondements et toutes les règles sont déjà là. La personne n'a qu'à suivre ce qui existe déjà et suivre l'exemple de ceux qui ont précédé et de ne pas innover quoi que ce soit ou amener quoi que ce soit dans la religion. Celui qui suit ça, il est sur la voie du salut. Et le cheikh il mentionne un verset, il dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Ce verset dans lequel Allah s.w.t. dit « Il y a certes en la personne du prophète Mohammed, le messager d'Allah s.a.w. un bon exemple pour vous, ou un bon exemple pour celui qui espère en Allah s.w.t. et en le jour dernier, et qui se rappelle souvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ça signifie, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله سبحانه وتعالى يقول si vous aimez réellement Allah سبحانه وتعالى alors suivez-moi et Allah سبحانه وتعالى vous aimera en retour. Donc c'est le verset qu'on appelle آيات الامتحان, le verset du test, dans lequel Allah سبحانه وتعالى il teste l'amour des croyants pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il met une condition comme preuve de cet amour, c'est que cet amour soit suivi du fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala puis qui contredit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui vient avec des innovations et qui contredit son ordre, alors il n'a pas aimé Allah subhanahu wa ta'ala et il a menti dans sa prétention. Et le cheikh il dit par la suite, وَمِنَ السُّنَّةِ أَحَدِيثٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي أَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le cheikh il dit, et je vous conseille et je vous demande de suivre ma sunna, ainsi que la sunna de mes successeurs bien guidés, droit et bien guidé, et qui viendront après moi ou qui seront après moi, et accrochez-vous et mordez dedans avec vos molaires. Et ça, c'est un exemple que le prophète Al-Qur'an nous donne pour nous montrer que nous devons nous y accrocher avec force. Et il dit par la suite, il y a comme muhdathat al-umur, et prenez garde aux inventions dans la religion. Car toute nouvelle invention est une bid'ah dans la religion. Et toute bid'ah est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et là, il faut spécifier encore, parce qu'il y a des idiots qui viennent toujours en train de amener des choubouhats pour essayer de faire croire aux gens que l'islam interdit les innovations technologiques et des choses de ce genre, comme toutes sortes d'inventions nouvelles qui peuvent exister. Comme il y en a écrit dernièrement, subhanallah, il est en train de se moquer des musulmans en disant pourquoi vous interdisez certaines choses, par exemple, et vous dites que c'est des innovations, et vous acceptez le papier écuménique ou des choses de ce genre. Alors, en parlant des bagues de mariage, qu'on a expliqué le verdict des bagues de mariage, que dans l'islam, il n'y a pas de bagues de mariage ou d'alliance pour les fiançailles ou pour le mariage. Ça n'existe pas. Donc, l'épreuve de ça, c'est que, le prophète s'en fait nous attend à nous ça, et que ça vient des chrétiens, et non de l'islam. Donc, la personne a voulu contester ça et commencer à dire, alors pourquoi vous acceptez le papier de Tolède alors que c'est une innovation et ça n'existait pas au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, subhanallah, on lui a expliqué clairement que les innovations qui sont interdites et qui sont maudites et qui sont rejetées, c'est les innovations qui concernent la religion, qui concernent la croyance, la pratique religieuse, l'adoration et les règles de la charia. D'accord? Donc, dans le cas de ces choses-là, comme les bagues et les alliances, c'est quelque chose qui fait partie déjà d'une autre religion, et non de l'islam. Donc, si quelqu'un essaie de l'entrer dans l'islam et de l'appliquer comme si il faisait partie de notre religion, il a amené dans notre religion quelque chose qui n'en faisait pas partie. D'accord? Donc, ça, c'est clairement une innovation. Tandis que la personne qui vient avec le papier de toilette, eh bien, est-ce que dans le christianisme, le papier de toilette fait partie des sacrements? Est-ce que le papier de toilette fait partie des choses respectées et sacrées dans la religion chrétienne? Pas du tout. Donc c'est uniquement une chose que les gens utilisent comme une façon de se nettoyer, c'est tout. Et si eux ils en ont pas, ils ne sauront pas quoi faire. Tandis que nous, alhamdoulilah, si on n'en a pas, on sait quand même quoi faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné tout pour être capable de suivre notre foi et notre religion. D'accord? Il nous a montré l'utilisation d'un minimum de 3 pierres. Et par la suite, il nous a montré également l'utilisation de l'eau pour nous purifier. Alors que pour les kuffars, en général, ils ne connaissent même pas la règle ou les règles ou les distinctions entre ce qui est pur et ce qui est impur. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Et ça aussi, c'est une réfutation également dans ce verset et dans ce hadith à tous les gens de bid'a qui veulent amener une innovation, comme les soufis, qui essaient de dire qu'il y a des bonnes bid'a et qu'il y a des mauvaises bid'a. Alors, ils tentent de faire croire que tout ce qu'ils ont inventé et ce que le shaytan leur a donné, comme bid'a, comme les danses, et comme les chants, et comme les formes de dhikr innovées, et toutes les autres formes d'égarements qu'ils ont ramenées dans l'islam, comme les toruq, soufiya, et ces autres formes d'égarements-là, ils essaient de faire croire que ça fait partie des bonnes innovations, ou comme la fête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des choses de ce genre. Alors, on peut leur répondre clairement par ce hadith. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, kullu bid'atin dalala. Toutes les innovations dans la religion sont des égarements. Donc ça, c'est une chose qui est claire. Alhamdulillah, rabbil alamin. Par la suite, on a déjà expliqué ça de toute façon auparavant. Alhamdulillah. Donc, par la suite, le cheikh il dit, وقوله تعالى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فسنوات حديث القرآن صلى الله عليه وسلم رفعت ما الموطاء رفعت ما المنطح أبو داود ابن ماجة ما نتعلم القرآن صلى الله عليه وسلم أدنه. Je vous laisse deux choses. Et si vous vous y accrochez, vous n'allez jamais vous égarer après moi, c'est-à-dire le livre d'Allah et ma sunna. Et il mentionne un autre hadith encore, dans lequel il dit, وقوله صلى الله عليه وسلم, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. D'accord. Donc, le prophète صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, il vient ramener un verset ou une clarification pour toute action qui ne possède pas de preuve et qui vient être rajouté. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc quiconque amène une forme d'adoration, une façon de se rapprocher à Allah, une façon de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient d'autre que de la sharia d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors elle sera rejetée. Et le cheikh il dit, وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. Donc le cheikh ici vient expliquer un somme de Ahlus Sunna wal Jama'a, As-Salafiyoun. Il vient clarifier un de leurs principes les plus importants. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'union et le rassemblement et d'unir notre parole. Mais il dit que cette union et ce rassemblement doit être fait sur le fondement qui est de s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a interdit la division et il a expliqué le danger de cette division pour sa umma. Hein? Et il a expliqué que une des façons pour arriver à accomplir cette union et cette unification de la Ummah, eh bien, une des façons pour arriver à ça, c'est dans l'ordre qu'il nous a fait de juger par, ou de juger selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager, dans les fondements de l'islam et dans toutes les autres choses qui en découlent ou qui découlent de ces fondements. Et on a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala de toute cause, de toute chose qui pourrait causer la division. Donc tout ce qui cause la division est interdit. Et là, il y a une chose très importante à comprendre ici. C'est que il y a beaucoup de gens parmi les gens de la nation aujourd'hui, que ce soit parmi les gens des Ikhwan al-Muslimin, ou que ces gens-là, ils essaient toujours de faire croire qu'ils appellent à l'unité et à unir les musulmans et à unir la parole des musulmans. Et ça, c'est pas vrai de leur part, c'est un mensonge de leur part, car ils acceptent les musulmans avec toutes leurs déviations et toutes leurs égarements et toutes leurs innovations et toutes leurs sectes, sans jamais clarifier la réalité ou la vérité au sujet de ces sectes, et sans jamais essayer de montrer la réalité de la sunna, les paroles d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces groupes. Donc, ils ont comme idée que le but justifie les moyens. Donc selon eux, étant donné que l'union pour eux est un but, alors tout est halal pour arriver à ce but. Donc ils disent, étant donné que notre but c'est d'unir les musulmans, eh bien il faut faire tout et prendre tous les moyens nécessaires pour arriver à les unir. Donc si le fait de parler des groupes et des sectes et de montrer leurs erreurs et leurs fautes va amener à une division encore, alors il faut laisser tomber, selon eux, de parler de ces choses-là. Et ça, c'est une grave erreur de leur part, parce qu'ils n'ont pas compris en réalité que l'union n'est pas un but. L'unité de la Ummah n'est pas un but, mais c'est un moyen pour nous de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on a compris ça, premièrement, on a compris qu'en partant, ils sont dans l'erreur. Et deuxièmement, le moyen qu'on utilise dans l'islam pour arriver à un but doit être aussi bien que le but lui-même. C'est pas vrai que tous les moyens sont justifiés lorsque le but est bon, non. Le but doit être bon, tout comme les moyens qui sont pris pour arriver à ce but doivent être en accord avec la charia. D'accord? Ces gens-là, subhanallah, ils sont en train de mentir à propos d'Allah et de mentir à propos du messager, d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont essayé même de se baser sur des preuves, des hadiths qui ne sont même pas authentiques pour essayer de justifier leur position. Comme par exemple, il mentionne toujours un hadith qui dit « Ikhtilaf ummati rahma » c'est-à-dire les divisions ou les histoires de ma umma sont une miséricorde. Et ça, c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques du tout. Et l'imam al-Albani, Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, il dit dans son livre, Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'introduction, dans la grande introduction qu'il a fait, il dit, c'est la page 33, dans l'édition, l'édition 14 de Maktab al-Islami, il dit, قال بعضهم لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه توسعة على الأمة ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة اختلاف أمة رحمة ويبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا وغيره عليه فما قولك في هذا الحديث donc le cheikh il mentionne les objections de certains de ces gens-là, yani, qui amènent des exemples comme ce hadith, Ikhtilaf Ummati Rahma. Le cheikh dit, certains d'entre ces gens-là qui mènent cette objection ont dit, la chèque en rejour, il n'y a pas dit que le fait de retourner, à la guidance de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les affaires de notre religion, est une chose obligatoire. Et, particulièrement, lorsque c'est une adoration pure, c'est-à-dire une adoration, quelque chose qui est purement du domaine de l'adoration, et qui n'a aucune chose, et une chose dans laquelle les opinions personnelles et les efforts pour atteindre les efforts qu'on peut faire pour atteindre une certaine opinion, personnelle dans ces choses-là, ça n'entre pas là-dedans, c'est-à-dire, elles sont des choses qui sont topiques, c'est-à-dire, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas amener des explications logiques, ou des analogies, ou essayer d'émettre des opinions divergentes. Des choses qui se basent uniquement sur la révélation, comme la prière par exemple. On ne peut pas amener des analogies et essayer de faire des prières nouvelles ou des façons nouvelles de faire la salat. Donc c'est dans ce sens que le cheikh essaie d'expliquer maintenant. Et il dit, on voit que plusieurs parmi les machères, les méchours qui suivent aveuglément les mazahed, hein, les écoles des quatre, qui sont attribuées aux quatre imams, et bien on les voit que, au contraire, au lieu de rejeter la divergence et de la nier, au lieu de la dénoncer, cette divergence entre les musulmans et entre les mazahed, on dirait qu'il la confirme et qu'il l'encourage en fait. Et qu'il pense que le fait qu'il y ait ces divergences et ces différences d'opinion entre les écoles, il pense que ça c'est une sorte de façon d'ouverture pour les musulmans, une sorte de facilité pour les musulmans. Hein, parce que parmi ces gens-là, il y en a qui suivent leur passion. Et lorsqu'ils arrivent à une question sur le fiqh, hein, dans la façon d'adorer ou la façon de savoir ce qui est halal ou haram, ils vont regarder parmi les mazahib et vont trouver la position qui va le plus en accord avec leur passion et ils vont la suivre. Tandis qu'il y a l'autre position, l'autre extrême, c'est-à-dire les gens qui vont prendre les paroles qui sont dans un mazhab et qui vont accepter tout ce qui est dedans, même si elles sont contraires à certains autres hadiths. Et quand on leur vient avec un hadith authentique pour leur montrer que la position d'un mazhab, d'un autre mazhab est plus correcte et plus en accord avec le Coran et la Sunna, ils refusent de l'accepter. Non pas parce qu'ils ont un argument basé sur le Coran et la Sunna, mais uniquement parce que c'est en contradiction avec leur mazhab et leur école de fiqh. Et donc ça c'est une forme de dégarement, yani, sans aucun doute. Et le cheikh il dit que ces gens-là ils se basent sur un hadith, hein, ils essaient de se baser sur un hadith qui dit « Ikhtilaf ummati rahma » les divergences de ma umma sont une miséricorde. Et il dit le cheikh que il est clair que ce hadith vient en contradiction avec le manhaj auquel on appelle. Alors c'est quoi ta position vis-à-vis de ce hadith? Donc il demande au cheikh, la question est posée au cheikh al-Albani au sujet de ce hadith, et le cheikh dit wal-jawab min wajhain, la réponse est de façons, de deux points de vue. Al-awwal, anna al-hadith la yasih, le hadith n'est pas authentique, bal huwa batil, la asla la, le hadith est totalement faux, yani. Et il dit wa qala al-allama as-subki, الإمام السبكي الدين لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع يجيه من من فتفيد حديث إن شم لنا على تغطانسك ني فاب ني فابريكي هذا سنن من بعض حديث إلى الشيخ الذي قلت وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة et ça a été uniquement rapporté dans les mots suivants, c'est-à-dire les divergences de mes compagnons sont une miséricorde pour vous. Ou dans d'autres mots, comme en disant, wa ashabika al-nujum, fabi ayyihim ihtadaytum. C'est dans les mots suivants, c'est-à-dire, mes compagnons sont comme des étoiles. Alors, peu importe lequel d'entre eux vous suivez comme exemple, alors vous allez être guidé. Et le chef il dit, voici là où il y a fait. Il dit, aucun de ces deux-là qu'on vient de mentionner, les deux derniers qu'on vient de mentionner, que ce soit le premier, ici là, pour les divergences de mes compagnons sont pour vous une miséricorde, ou que mes compagnons sont comme une étoile, et peu importe lequel d'entre eux vous suivez, vous serez guidé. Ces deux-là ne sont pas authentiques. Le premier est wa'il, il dit al-awwal wa'il jiddan, le premier est vraiment faible. Et le deuxième, wal-akhar mawdou', le deuxième est fabriqué, c'est-à-dire c'est même pas un hadith, c'est une parole inventée. Et le cheikh dit waqad haqqaqtu al-qawl fi dhalika kullihi fi silsilat al-ahadith al-da'ifa wal-mawdou'a raqam 85. 58, 59, 61. Donc, le chef il dit qu'il a tout vérifié ça, il a tout expliqué ça dans son livre, la chaîne des hadiths faibles et c'est la hadith Abda'ifa wal-Mawdu'a et dans c'est les hadiths numéro 58, 59 et 61 de cette série, de la série de ce livre-là, dans lequel il a mentionné les hadiths qui sont attentifs, qui sont faibles. Et il a aussi la série qu'on appelle Silsila al-Hadith al-Sahiha, dans lequel il a clarifié les hadiths authentiques. Donc, le cheikh dit, ça c'est la première raison pourquoi on ne peut pas accepter ce hadith. Deuxièmement, la deuxième raison, la deuxième réponse à cette objection ou à cet argument, c'est « Al-Thani, anna al-hadith ma'a da'afihi » مخالف للقرآن الكريم فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال قال الله تعالى قل لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون فإنما يختلف أهل الباطل فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز إفاده شبهة للتوقف على العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة. Donc, le chef il a bien expliqué ici, il a clarifié que le hadith en fait, non seulement il est faux, mais il est en contradiction avec le Coran. Car dans plusieurs versets, Allah SWT a interdit la divergence dans la religion. Il a ordonné d'être en accord, hein. Et ça, c'est très, très connu, et très, très connu par tout le monde. Excepté que le chef, il dit, on va mentionner quand même certains versets pour donner quelques exemples. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ça signifie, et ne divergez pas entre vous. Sinon, vous fléchirez et perdrez votre force. Et il dit dans un autre verset, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون et ne soyez pas du nombre des idolâtres parmi ceux qui ont divisé leur religion ils sont devenus des sectes chaque partie d'entre eux se réjouissant de ce qu'ils possèdent. Il mentionne un autre verset dans lequel Allah SWT dit dans Surat Hud ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Donc Allah SWT est dans ce verset là et ils demeureront constamment dans la divergence excepté ceux pour qui Allah a une nouvelle corde et c'est pour cela qu'ils ont été créés. Et le cheikh il dit ensuite donc si ceux qui ne divergent pas sont ceux qui ont sont ceux pour qui Allah a commis les corps dans ce verset. Ils demeureront toujours en divergence, excepté ceux pour qui Allah a commis les corps. Donc ceux pour qui Allah a commis les corps, ils ne divergent pas. Donc ceux qui divergent sont les gens du mensonge, les gens de la fausseté. Donc comment on pourrait prétendre après ça, ou croire que c'est raisonnable qu'il y ait une miséricorde pour ceux qui divergent dans la religion. Hein? Donc le chef il dit que, d'après ça, on peut comprendre par la suite que ce hadith n'est pas authentique, ni dans sa chaîne de narrateur, ni dans son texte. Et donc, il est clair qu'il n'est pas permis pour nous de suivre cette choubra et de laisser tomber l'action ou d'agir en accord avec le Coran et la Sunna. Comme c'est clair et comme ça a été ordonné même par les imams de l'islam. Donc ça, c'est la réputation de ces gens-là. Et par exemple aussi, juste pour vous montrer un exemple, comment les gens de Bédaïani, ils essaient toujours de suivre leur passion, justement. Les gens de l'Université de Montréal, de l'association musulmane des étudiants, l'association étudiante des musulmans de l'Université de Montréal, ils avaient publié à un moment donné un de leurs journaux, hein, qu'ils publient régulièrement, et ils avaient mentionné les paroles d'un des personnages les plus égarés de notre époque, Youssouf al-Qardaoui, l'innovateur. Ils ont mentionné sa parole et dans lesquelles ils essaient justement d'utiliser cette choubha et ce hadith pour justifier les divergences et les divisions entre les musulmans. Et ils disaient comme preuve pour accepter pour justifier la présence de divergences et de divisions entre les musulmans, ils utilisaient le verset dont on a mentionné, qu'on vient de mentionner dans l'exemple du Cheikh al-Albani, « وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ » et ils demeureront toujours en divergence. Mais il a coupé la partie du verset qui disait « إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ » il ne l'a pas cité dans son exemple. Et il a dit « وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ » Donc ils ont enlevé cette partie du verset juste pour satisfaire leur passion et leurs opinions. Pour nier que les gens qui sont unis sont les gens auxquels Allah a fait miséricorde. Et il a essayé de mentionner tout de suite l'autre partie du verset qui suit, qui dit « On les a les kafas la karom ». Donc ils ont mentionné seulement les parties du verset qui allaient en accord avec leur position. Alors ça, c'est un signe clair de malhonnêteté vis-à-vis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est pas surprenant de leur part, parce que ce sont des gens qui suivent leur passion et qui ne veulent pas suivre ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on continue avec l'explication de notre daf. Le Cheikh il dit, qala Allah ta'ala, comme preuve de l'obligation de s'unir, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et il dit le Cheikh que le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le serment d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le Coran, comme les savants de tafsir l'ont expliqué et l'ont ordonné. Le Cheikh dit comme قال المفسرون وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'être unis, d'être une jama'a, et a interdit d'être une division, et de se diviser. Et il dit comme preuve de ça, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et il dit, le Cheikh, il dit après, ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous ça. » Il dit « Cet ordre contient les fondements de la religion et tout ce qui en découle, des actes apparents ou des choses intérieures, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. » Et il dit qu'il est obligatoire à chacun des musulmans de prendre ce que le prophète a amené et de le suivre. Et il n'est pas permis à personne de le contredire. Et que le texte des paroles du prophète, lorsqu'il y a un verdict au sujet d'une chose, dans un hadith, eh bien c'est équivalent au texte ou aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de différence entre les deux dans le verdict. Et donc, il n'y a pas de permission pour personne de laisser tomber qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis de placer ça devant la parole de quiconque. Donc la parole d'Allah et la parole de son messager, personne n'a le droit de mettre une autre parole en avant de ces paroles-là, que ce soit les paroles d'un savant ou d'un imam ou quiconque autre. La parole d'Allah a toujours précédence c'est même que la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un. Oh les croyants, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez-vous pas de lui alors que vous entendez. Et tout ça c'est des preuves que le chef mentionne, il nous montre que le fait de l'ordre de s'unir doit être basé sur le fait de s'unir sur le Coran et la Sunna, sur l'ordre de s'unir sur la Sunna et le Coran. On n'a pas à s'unir uniquement juste comme ça, physiquement, sans essayer de comprendre les divergences et les innovations et essayer de corriger les erreurs. D'accord ? Tant qu'on n'a pas corrigé les erreurs et qu'on n'a pas rejeté le mensonge et la fausseté, on ne peut pas être réellement unis. Comme Allah nous l'ordonne, comme si nous étions le cœur d'un seul homme. Hein, on doit être unis comme si on était tous un seul cœur. Donc, ce n'est pas uniquement l'union physique qui est importante, mais l'union du cœur est plus fondamentale. Et le cheikh dit « وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِالرَّدِّ إِلَى كِتَابِهِ وَإِلَى سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Allah SWT nous a ordonné, lorsqu'il y a une divergence, de revenir au livre d'Allah, à son livre et à la sunna de son messager, صلى الله عليه وسلم, dans le verset qui dit, dans lequel Allah SWT dit « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » Allah SWT il dit, oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit dans une chose quelconque, retournez, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous êtes réellement croyant à Allah et au jour dernier, et ce sera pour vous meilleur et d'une meilleure conclusion. Et donc le chef il cite par la suite les paroles de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir qui explique le verset qu'on vient de mentionner. Il dit « قال Ibn Kathir أطيعوا الله فاتبعوا كتابه » Obéissez à Allah signifie suivez son livre. « وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته » Et obéissez au messager signifie prenez sa sunna. أي اتبعوا سنته c'est-à-dire suivez sa sunna. وأولي الأمر منكم أي يعني et les gens d'entre vous qui détiennent le commandement, ça signifie ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ça, ça a été expliqué par les savants de Tafsir comme étant les savants de la religion et les dirigeants politiques, ceux qui dirigent les musulmans, ce sont eux qui détiennent le commandement. Donc les présidents, les rois, et les responsables des musulmans, ce sont eux qui détiennent le commandement. Sauf que leur obéissance est limitée. Contrairement à l'obéissance d'Allah et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des obéissances totales. Mais les obéissances aux dirigeants, ceux qui détiennent le commandement, est une obéissance limité, comme l'obéissance pour les parents est une obéissance limitée. C'est-à-dire que on les obéit uniquement dans ce qui n'est pas un péché. Si le chef dit فِيمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ لَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Donc Ibn Kathir explique ça en disant obéissez-les dans ce qui est une obéissance pour Allah, non dans le péché ou dans la désobéissance d'Allah, car il n'y a pas d'obéissance pour une créature dans ce qui implique une désobéissance au créateur. Le chef il continue, Ibn Kathir explique la suite en verset, il dit « فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ça signifie, ça veut dire, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Et donc, Kathir dit, hey, il a kitab illahi, wa sunnat rasulihi, wa hada amru min Allah azza wa jal, li anna kulla shay'in, yatanaza'u an-nas fihi min usul al-din wa furu'ihi أنه يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة. Ça signifie que on ramène les divergences à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la Sunna de son messager. Et ça, c'est une ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes choses dans lesquelles on diverge parmi les hommes. Dans toutes les choses de la religion, que ce soit dans les fondements de la religion ou dans les règles qui en découlent, qui découlent de ces fondements-là. Et il faut que toutes choses dans lesquelles on a une divergence soient ramenées au livre d'Allah et à la sunna de son messager. Et ça, c'est clair et c'est important à comprendre, qu'il n'y a pas des choses, c'est pas uniquement les choses religieuses qui doivent être ramenées au Coran et à la sunna, mais c'est également les choses de la dunya qui doivent être amenées au Coran et à la Sunna. Que ce soit là dans la question politique, ou économique, ou militaire, ou juridique, ou toute autre question sociale, toutes ces questions-là doivent être amenées au Coran et à la Sunna pour qu'elles soient réglées selon la volonté d'Allah et selon sa révélation. Et c'est pas permis pour un musulman de ramener les divergences et les discordes à autre que à Allah et à son messager, hein, comme par exemple ceux qui ramènent ces discordes ou ces désaccords à des règles ou à des lois ou à des choses qui sont en contradiction avec la charia parmi ce que les hommes ont inventé ou parmi les coutumes et les traditions ou par les lois établies par l'homme ou autre chose de ce genre, hein. Ça fait partie d'une contradiction totale avec le fondement même de la foi islamique. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, pour clarifier ensuite, كَمَا قَالَ تَعَلَى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Si vous avez un désaccord quelconque, hein, dans le livre, alors le jugement ou le verdict à son sujet appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et ça c'est le verset qui est dans le Coran ou dans la Sunna. Et la Sunna qu'on a vérifiée qui est authentique. Alors c'est la vérité. Si il est authentique, alors c'est la vérité. Et on doit l'accepter. Et le chef il dit ça فحكم الكتاب فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. Donc lorsque le Coran et la Sunna ont jugé ou ont déterminé qu'une chose est vraie, hein, alors c'est la vérité. Et qu'y a-t-il après la vérité excepté l'égarement? Et ensuite il mentionne un autre verset, la suite du verset, et il continue à expliquer le même verset qu'on avait commencé à expliquer, c'est وَإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et ça, dans cette partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala met le fait de ramener les choses à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le commandement, il fait de ça une condition pour la foi. Donc il dit, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire ramener les divergences à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier. Et donc le cheikh Ibn Kathir dit « Hey, raddul fasl fil khusumat wal jahalat ila al-kitab wa sunnah wa la yurja'u ilayha fi zalika » ومن لا يرجع إليها في ذلك فليس يؤمن بالله ولا واليوم الآخر. Donc Ibn Kathir il explique clairement, il dit clairement, il dit ramenez vos divergences, hein, ramenez les divergences et les ignorances au livre et à la sunna. Au livre d'Allah et à la sunna pour avoir, pour trancher entre les deux, pour avoir le verdict. Et celui qui ne ramène pas ou qui ne retourne pas à ces deux, bases-là, le Coran et à la sunna, alors il n'est pas croyant ni à Allah ni au jour dernier. Et le cheikh il dit, summa, inna Allah qaddam al-tafarruq. Donc ça c'est la fin de la citation qu'on vient de mentionner. Et le cheikh il dit, et Allah a blâmé la division. ثم إن الله ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Donc le cheikh il mentionne un verset important. Mais avant ça, il dit, Allah a blâmé la division et a interdit les voies et les choses qui causent la division. Hein? Et il a fait de la division une des plus grandes causes de perte et de défaite dans cette vie et dans l'au-delà. Et il dit, le verset dans lequel Allah a dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, hein, et qui ont divergé entre eux après que les preuves claires leur fut présentées. Et ceux-là, ce sont ceux qui auront un dur châtiment. Le jour où certains visages seront clairs et d'autres visages seront assombris. Et il cite la parole d'Ibn Abbas, il dit, « قال ابن عباس تبيض وجود تبيض تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. C'est-à-dire, il explique que les visages de ceux qui seront éclaircis sont les visages d'Ahl al-Sunna et les visages de ceux qui seront assombris, les visages qui seront assombris sont les visages des gens de la bid'a et de la division. Et il y a une chose à comprendre aussi. C'est que Allah, comme on l'a vu et comme on va continuer toujours à le voir, c'est que lorsqu'il nous ordonne de nous unir, il nous ordonne d'être une jama'a. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs versets, il a mentionné al-jama'a, comme on va le voir tout à l'heure. Il a dit par exemple, al-tariq li-dinihi al-mufariq li-jama'a, man farq al-jama'a, man shaqq عصى الجماعة فعليكم بالجماعة. Donc Allah سبحانه وتعالى le prophète صلى الله عليه وسلم a toujours mentionné الجماعة, c'est-à-dire le groupe, et il a mentionné que c'est un seul groupe toujours au singulier. Il n'a jamais mentionné un groupe ou partie au pluriel. Donc on sait clairement là, en voyant ça, que tous les groupes aujourd'hui qui existent contemporains sont des groupes de bid'ah. Et que c'est interdit pour les musulmans de suivre aucun de ces groupes-là, peu importe lequel, d'accord. Et que ce soit par exemple les gens de Bid'a qui justifient et qui essaient d'accepter ou d'appeler les musulmans à reconnaître la validité de ces groupes, ceux qui font ça sont les gens de Bid'a. Et il y a par exemple parmi ces gens-là, Abdurrahman Abdul Khaliq, qui a lui-même essayé de défendre ces groupes-là et ces divisions-là, que ce soit des partis politiques ou des partis religieux ou non religieux, des partis politiques ou comme des partis islamiques ou des partis non islamiques comme les partis de Ikhwan al-Muslimin ou Hizb al-Tahrir ou bien Jama'at al-Islamiyya ou Jama'at al-Jihad, le groupe du Jihad ou le FIF, le Front islamique du Salut. D'autres groupes qui ne sont pas religieux également, il y a le groupe Hamas aussi. Et donc, tous ces groupes-là, peu importe lequel, peu importe dans quel pays, que ce soit Jama'at al-Islamiyya ou Pakistan, ou que ce soit d'autres groupes de ce genre, dans d'autres pays, que ce soit en Philippines ou en Indonésie ou ailleurs, hein, tous ces groupes-là sont en contredit l'ordre d'Allah, l'ordre du Prophète, de s'unir et de ne pas se diviser. Parce qu'ils se sont mis des chefs et ils auront établi une bay'a, hein, dans un pays où il y avait déjà un président. Hein. Donc c'est comme s'ils se font un gouvernement à l'intérieur même d'un gouvernement. Et ça c'est quelque chose de totalement rejeté dans l'islam. Il n'y a pas de bay'a dans l'islam excepté pour celui qui dirige, qui a le pouvoir politique réel, non pour des groupes ou des chefs ou des chouyoukhs dans les turcs soufis ou bien dans des partis politiques ou islamiques. Toutes ces choses-là sont des bid'ahs. Ou que ce soit d'autres parmi les gens des Ikhwan al-Muslimin qui approuvent ces actions-là et qui justifient ces partis-là, hein, qui entrent dans les élections et dans les fait de rentrer dans les parlements ou dans une chambre nationale ou peu importe quelle autre chambre ou au nom de la Shura qui essaie de présenter la démocratie, c'est comme la consultation. Tout c'était rejeté dans l'islam. Et les savants de l'islam, parmi les salafis qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs, ils ont tous averti contre ça et interdit ces choses-là. Alhamdulillah Rabbil Alameen, et ils ont clarifié que tous les groupes qui existent actuellement sont des groupes de bid'ah qui entrent dans les 72 sectes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de suivre et qui seront en enfer. Donc le cheikh, on va expliquer ce qu'il va dire ensuite. Il dit قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وشيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui divisent leur religion et qui se mettent en secte, tu n'as rien à voir avec eux et leurs affaires est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va les informer de ce qu'ils faisaient. Et il mentionne par la suite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, qala sallallahu alayhi wa sallam, ala inna man kana qablakum min ahl al-kitab istaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-umma satafariqu aw satafarraq ala 73 ملة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Donc ça c'est une génération de ce hadith des 73 sectes. Il dit que ceux qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceux qui étaient là avant vous, parmi les juifs, les chrétiens et les autres, hein, que ce soit les gens du livre ou autres, ils se sont divisés. Il dit ici que ce soit les gens du livre, non. Ceux qui étaient avant vous, parmi les gens du livre, les chrétiens et les juifs, sont divisés en 72 sectes. Et il dit que cette umma ici, notre umma, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 sectes. Et que 72 d'entre elles seront dans le feu de l'enfer, et qu'une seule sera au paradis, et c'est Al-Jama'a. Cette secte qui sera au paradis, c'est Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe. Hein. Et on comprend que Al-Jama'a, en premier, c'est les Sahaba et les Tabi'oun, ceux qui ont suivi les Sahaba et les Tabi'in, et ceux qui les ont suivis jusqu'à nos jours. Donc, garder les mêmes croyances qu'eux et les mêmes méthodologies, la même voie que ces gens-là, ce sont As-Salafiyoun, أهل الحديث أهل السنة الفرقة النادية والطائفة المنصورة كما الذين يسلكون. الشيخ يقول وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستراق أمته على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. Et il a dit dans un autre hadith que cette umma allait se diviser en 73 sectes. Une de ces sectes, 72 seront dans le feu et une de ces sectes sera au paradis. Et il a décrit celle qui sera au paradis comme étant celle qui suivra l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suit l'exemple du prophète, ainsi que celle de ses compagnons. Et comme on a pu voir dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, al-jama'a, c'est toujours au singulier. Il n'y a pas mention de plusieurs jama'a. Et c'est pour ça que le chef, l'imam, Rabi' al-Madkhali, rahimahullah, wa hafizahullah, il a écrit un livre pour réfuter Abdul Khaliq, Abdurrahman Abdul Khaliq, et il a appelé ce livre-là, jama'atullah jama'a. Il y a une seule jama'a, un seul groupe, et non plusieurs. Hein? Alhamdulillah, donc, celui qui veut savoir les choses au sujet de cette question, il peut retourner à ce livre de l'imam Cheikh Rabi' Hafizahullah. Et il dit par la suite, إن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر Donc le chef il dit que parmi les causes qui a fait périr les peuples qui nous ont précédés, c'est le fait de se diviser et d'avoir beaucoup de divergences entre eux, et particulièrement les divergences au sujet du livre qui a été révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de ça. Il nous a dit, laissez-moi tant que je vous laisse. Et qu'est-ce qui a fait périr les peuples qui étaient là avant vous? Et les nombreuses questions qu'ils posaient et les divergences qu'ils avaient avec leur prophète. Et il dit, si je vous interdis quelque chose, alors abstenez-vous-en. Et si je vous ordonne quelque chose, alors faites-en ce que vous pouvez, hein, ce que vous en êtes capable. Et le chef il dit par la suite, « Wa inna tariq al-khalaf min al-furqa wa l'ikhtilaf » هو باتباع طريقة الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه إن طريق الخلاص هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا وعدم مخالفة بهم أو الشذوذ عنهم. Donc le chef il termine cette partie en disant que la voie pour être sauvée de la division et des discordes, c'est de suivre la voie du groupe sauvé et victorieux, et c'est de suivre Al-Jama'a. Al-Jama'a c'est le groupe victorieux et le groupe sauvé. Et ce sont ceux qui suivent et qui marchent en accord avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons, et qui ne sortent pas de ça, s'éloignent pas de ça, et qui ne se détournent pas du tout de ça. Et la voie d'être sauvé, la voie qui mène à être sauvé de toute forme de garvin, c'est de suivre l'exemple des salaf salih en parole, en action et en croyance. Et de ne pas les contredire dans aucune chose, ou de venir avec des paroles singulières qui sont en contradiction avec ce qu'ils ont amené. Comme essayer de venir avec une position personnelle qui serait en accord avec ce qui a déjà été ramené par le salaf salih. Et le chef il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. Donc ça c'est le verset dans lequel Allah SWT dit quand se sépare ou fait une fusion avec le messager après que la vérité et la guidance lui aient été montrées et qui suit autre que la voie des croyants, nous les laisserons se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, on arrête ici, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.